Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 8 février avez-vous choisi ? Le 8 février 1836, Raphaël, très très grande date de l'histoire, puisque c'est le jour où le célèbre Davy Crockett arrive en renfort à Fort Alamo. Vous savez qu'un mois plus tard, il y trouvera la mort. Davy Crockett a donc réellement existé. Bah, bien entendu, son nom complet est David Stern Crockett. Il est né dans le Tennessee en 1786. Comme le dit la chanson. N'est-ce pas? Ce que l'histoire retiendra de lui, ce sont ses liens fraternels avec les Indiens et puis ses vêtements de trappeur, notamment son chapeau à queue de raton laveur. Mais Davy Crockett a su défendre par ailleurs des idées politiques. Il a réussi à quitter de temps à autre les grands espaces pour la ville. Il était membre de la Chambre des représentants, il était démocrate. Il y a du vrai dans le mythe quand même. Oui, oui, il y a du vrai. Davy était réellement proche des Indiens. C'était un vrai trappeur et surtout un homme de la frontière, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il parcourait les confins du continent américain. C'est ainsi, pour revenir à nos moutons, qu'il a donc participé à la défense de Fort Alamo. Alors, que se passait-il là-bas ? Alors, Fort Alamo, c'est cette forteresse improvisée au Texas pour contrer l'armée mexicaine qui est en train d'essayer de récupérer ce territoire. De nombreux soldats sont venus prêter main forte aux colons texans. Les Mexicains avaient été repoussés hors des frontières, il s'agissait maintenant de les défendre, ces frontières. Mais à Fort Alamo, ils ne sont que quelques dizaines d'hommes, et parmi eux donc, Davy Crockett qui arrive ce 8 février 1836. Lorsque l'armée mexicaine revient, elle ne fait pas le poids, mais elle va se défendre jusqu'à la mort. Voilà pourquoi Alamo, comme Davy Crockett, ont donné lieu à tant de livres, de westerns et de légendes. On vous retrouve tout à l'heure, Franck, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure consacrée aux riches heures du château de Vincennes.